Très bel après-midi sur notre antenne. Voici Histoire Vivante jusqu'à 14h. Alors, tout le monde est en place. Moteur. Jean Leclerc. Et Frédéric Pfeiffer vous propose Histoire Vivante. On avait rarement vu autant de vedettes au mètre carré. Mais j'avais l'occasion d'être assis dans le noir et de fixer l'écran toute la journée. Le cinéma est un agent de l'histoire. Histoire Vivante, cette semaine, il était une fois dans l'Ouest. Attention où vous mettez les pieds. Des pionniers à l'industrie. Et ces lumières qui, en une nuit d'insomnie, a trouvé le système idéal de la traction de la pellicule pour faire la synthèse du mouvement. Et ce fut le cinématographe. Le cinéma américain. America for American. The government must not interfere with business. Aujourd'hui, dans les environs de l'Hainaut, le 4x4 a remplacé le cheval. Looking at the new waitress. Et si vous deviez choisir, vous seriez plutôt John Wayne ou James Stewart? Les attachés de presse ne sont pas forcément des cadeaux. David Griffiths en sait quelque chose. Quand il claque la porte de la compagnie Biographe, une campagne de presse réorchestre l'événement. David Griffiths, selon les journaux, est présenté comme l'Américain le plus avisé et le plus inventif qui révolutionna le théâtre quand celui-ci avait besoin d'un émancipateur. Ou encore il a surpassé, et de loin, le pouvoir du mot écrit. Le plus grand maître du langage serait incapable de dépeindre les émotions telles que Griffith les a fixées. Griffith est le créateur du 8e art au monde. Ou bien celle-ci peut être encore plus définitive. D.W. Griffith, c'est le producteur de tous les grands succès biographes. Il a révolutionné le drame cinématographique et créé les techniques modernes de l'art. Parmi les innovations qu'il a introduites, et qui sont aujourd'hui généralement suivies par les producteurs les plus avancés, figurent l'utilisation de gros plans, de vues éloignées, de flashbacks, le suspense soutenu, le fondu au noir et la retenue dans l'expression qui a élevé le jeu cinématographique en tant qu'art authentique. Tout ceci n'est pas complètement faux, mais n'est pas complètement vrai non plus. La véritable innovation de Griffiths, c'est son art de la mise en scène. Un exemple, sans l'image. À l'imagination de faire le travail. Titre du film, Orphans of the Storm. Les deux orphelines. L'héroïne entend au loin la voix de sa sœur disparue qui mendie dans la rue. Griffiths filme en gros plan le visage éthéré de la comédienne, cheveux blonds nimbés d'un halo de lumière, pas le moindre battement de cils. L'héroïne semble hésiter, bouge légèrement la tête. Non, on la voit rejeter l'idée. Ce ne peut pas être sa sœur. Puis, elle entend de nouveau la voix. Ses yeux sont envahis par un espoir fou. Mais son regard s'éteint bientôt, tandis qu'elle se persuade que ce n'était que son imagination. Quand la voix reprend et qu'elle comprend qu'elle ne se trompait pas, les larmes envahissent ses yeux. Griffiths n'a pas quitté le visage de son héroïne. Il est allé scruter là où personne n'est encore allé, tout près de l'âme, dans cette zone si dense entre amour et désespoir. À la fin des années 60, l'American Film Institute, récemment fondé, fait une découverte remarquable. En 1930, David Griffiths a tourné un bref prologue parlant pour sa réédition sonore de « La naissance d'une nation »,« The Birth of a Nation », son film de 1915. Il s'agit d'un entretien entre le comédien Walter Huston et Griffiths, lui-même, entretien destiné à expliquer le contexte du film à l'intention des nouvelles générations qui ne le connaissent pas. Ce petit prologue, ce petit entretien, était perdu depuis 40 ans. et il révèle un trait essentiel de Griffith. Il reproduit fidèlement la qualité de sa voix. Tous les acteurs ayant travaillé avec Griffith en ont parlé. Griffith évoque son enfance, ce que ses parents lui ont rapporté de la guerre de sécession. Son père, officier, sa mère qui cousait des cagoules pour le Ku Klux Klan. When you made the birth of a nation, did you tell your father's story? Oh, no, I don't think so. Well, after you mention it, perhaps I did. How long did it take you? So you ask more questions. How long does it take to make anything? I suppose it began when I was a child. I used to get under the table and listen to my father and his friends talk about the battles they'd been through and their struggles. And those things impress you deeply, and I suppose that got into the birth. You feel as though it were true? Yes, I feel so. True as that blade. Well, that's natural enough, you know, when you've heard your father tell about fighting day after day, night after night, and having nothing to eat but parched corn. And about your mother staying up night after night sewing robes for the Klan. The Klan at that time was needed. Naissance d'une nation est un des films clés de l'histoire du cinéma. Hollywood fait un bond. Il y a comme un mûrissement, un accomplissement. Le cinéma révèle une dimension jusque-là insoupçonnée. Et c'est bientôt la polémique. Une polémique telle que tout le monde veut voir le film. Ce film, au départ, c'est un roman et une pièce signée Thomas Dixon. La pièce est intitulée The Klansman, l'homme du clan. C'est l'histoire d'une famille au cours de la guerre de sécession et de la reconstruction. L'idée de David Griffith, c'est de transformer le roman en un immense spectacle. Une saga étalée dans le temps, comprenant divers membres d'une famille. Dans les rôles principaux, les meilleurs acteurs de la compagnie Biographe, Lillian Gish en tête. Griffith ne compte pas sur les innovations techniques, mais sur un sentiment tout à fait singulier. La reconnaissance. La guerre de sécession a eu lieu 50 ans plus tôt. 50 ans seulement. Une guerre qui suscite encore bien des rancœurs, bien des passions. Griffith n'a pas connu la guerre, il n'en a eu que le récit de son père. La défaite du Sud, l'humiliation par les envahisseurs. Pour Griffith, il s'agit de montrer à quel point le Sud a souffert. Comment, grâce à une armée de guérilleros, connue sous le nom de Ku Klux Klan, il a résisté et transformé la défaite en quasi-victoire. Le début du tournage est au mois de juillet 1914, alors que la guerre éclate en Europe. Griffith voit ça comme un signe. Le film y gagnera en actualité. Côté matériel technique, pas d'éclairage, on dispose des miroirs pour réorienter le soleil, pas de cellules, pas de zoom, pas de caméra légère, il n'y a qu'une lourde caméra pâtée en bois actionnée à la main et comme capital humain, des milliers de figurants. Les scènes de bataille de Naissance d'une nation sont l'affaire d'une préparation des plus minutieuses. Carl Brown, chef opérateur sur le film. On connaissait l'emplacement de chaque canon, chaque mouvement de chaque section dans la foule. Je dis « section » parce que chacune d'entre elles était sous les ordres d'un sous-réalisateur, l'un des nombreux assistants de Griffith. Victor Fleming, Joseph Annaberry, Donald Crisp. Nommer une série de grands cinéastes, et ils ont tous travaillé avec Griffith à un moment ou à un autre. Ils avaient ce qu'on appelait des unités, des deux côtés des retranchements des Confédérés et de l'Union. Elles étaient dirigées non par mégaphone, parce qu'on n'aurait jamais entendu le mégaphone au milieu d'une bataille avec des cartouches à blanc, mais par une série de drapeaux, rouges, blancs, jaunes, bleus, roses, agités dans une certaine direction. S'ils voulaient plus d'action d'un côté ou de l'autre, ou entre les deux, tout pouvait être obtenu en agitant les drapeaux. Les explosions sont placées sous la responsabilité d'un pyrotechnicien manchot du nom de Fireworks Wilson, Carl Brown. Comme il n'avait qu'un bras et qu'il devait manipuler tous ses explosifs, il se servait d'une mèche professionnelle, le modèle qui crache des étincelles au lieu de se consumer lentement comme une mèche d'amadou. Il avait une moustache et une barbe de Mephisto. Il tenait cette mèche qui crachait le feu entre ses dents et il posait sans arrêt des questions. Les explosifs étaient coincés sous son bras valide, avec leur mèche qui pendait et la flamme qui se rapprochait. Bien sûr, nous reculions comme un seul homme devant lui. Il disait qu'il n'y avait pas le moindre danger, qu'il n'avait pas eu un accident de toute sa vie, mais son moignon était éloquent. Pour moi, il n'avait pas été rongé par les souris. Juste hors du champ de la caméra, une poignée d'hommes aux bras vigoureux se tenait prêt à lancer des grenades composées de poudre noire, de sure noire et d'une mèche. La mèche sortait par le dessus pour qu'on puisse rallumer. On regardait la mèche. Quand elle était sur le point de disparaître, on lançait. Il fallait lancer exactement au bon moment. Si on lançait trop tôt, on n'obtenait rien qu'une traînée de fumée blanche produite par la mèche. Si on lançait trop tard, ça vous explosait dans la main. Histoire vivante, cette semaine, il était une fois dans l'Ouest. Des pionniers à l'industrie, le cinéma américain. La plus grande partie de l'équipement militaire est louée. Les mousquets viennent de New York. On doit construire les canons, évidemment introuvables dans la région. Et quant aux montures... Dès que le bruit s'est répandu que nous cherchions des chevaux, nous en avons eu. Parce que nous vivions dans le pays des cow-boys et des dresseurs de chevaux sauvages. les hommes du clan devaient être en blanc, de la tête aux pieds, et les chevaux aussi. Nous les avons transportés hors de la ville, dans un endroit appelé Del Monte, près d'une rivière, le Rio Hondo. Ainsi, nous avions des rivières à traverser, des chemins pour galoper, des collines. Nous ne savions pas exactement où ces chevauchés allaient s'insérer. Alors nous avons pris les cavaliers se détachant sur le ciel, nous les avons pris en train de descendre des collines au galop et de traverser des rivières en faisant jaillir l'eau. Chaque fois, dans les deux sens. Il n'y avait qu'un épisode qui me dérangeait dans toutes ces galopades. Griffith avait décidé qu'il voulait un effet avec des sabots de chevaux fonçant sur le public. Et moi, je n'étais qu'un assistant opérateur. Je n'étais pas grand-chose et on pouvait me sacrifier. On m'a mis par terre avec ma caméra, les branches du trépied écartées. J'étais allongé derrière une caméra pâtée, juste à côté du praticable d'où Bitzer prenait le point de vue élevé habituel. Je me suis dit que ça pouvait être un peu risqué, mais les cow-boys m'assuraient qu'un cheval ne passe jamais, jamais sur quelqu'un, s'il y a un moyen de l'éviter. Il n'y avait pas moyen de l'éviter cette fois-là, parce que les toiles blanches dont nous avions recouvert les bêtes se sont emmêlées et qu'ils ont presque renversé le praticable. Au lieu de ça, ils m'ont sauté par-dessus et tout se serait bien passé, sauf que le sabot arrière de l'un des chevaux a cogné dans le chargeur avant et l'a envoyé tourbillonner comme une toupie. La pellicule en sortait comme des rubans du chapeau d'un magicien. Heureusement, c'était le chargeur de devant, la pellicule vierge, ce qui fait que le plan a été sauvé. Beaucoup d'efforts pour rien. Le plan n'a pas survécu dans les copies définitives. À la sortie du film, scandale, triomphe. Patrick Brion, historien du cinéma. Je crois que Griffith, sans qu'après la multitude de courts-métrages qu'il a réalisés, il est parfaitement à même de changer, disons, de registre, comme un coureur de 100 mètres qui trouve qu'il a un peu fait avec le 100 mètres le tour, et que maintenant il passe à une durée plus longue. Durée plus longue, ça veut dire système d'exploitation différent. Le court-métrage était quelque chose qui allait bien avec les premières années du cinéma. Nous sommes maintenant en 1914, donc il est normal de passer à une dimension beaucoup plus grande, ne serait-ce que pour pouvoir concurrencer des produits qui venaient d'Italie et qui, eux, étaient beaucoup plus longs. D'ailleurs, Griffith avait déjà changé de longueur de film, puisque après ses premiers courts-métrages, qui étaient donc des courts-métrages d'une ou deux bobines, donc de 10 ou de 20 minutes, il avait tourné Judith de Béthuly, qui durait quasiment une heure. Donc il était en chemin vers des durées de plus en plus longues. Et qui dit durée de plus en plus longue, dit qu'on peut passer d'une intrigue plus courte, qui, disons, est l'intrigue d'un fait divers ou d'un morceau d'histoire, à une grande épopée, ce qui est le cas de La naissance d'une nation, qui est à la fois la guerre civile, l'assassinat de Lincoln et tout le problème de la reconstruction à la suite de la défaite du Sud. C'est un film qui, au départ, coûtait 40 000 dollars, ce qui n'était donc pas une somme énorme, et qui a terminé à plus de deux fois son budget, ce qui prouvait tout même qu'il y avait des conditions techniques qui n'avaient pas totalement été bien maîtrisées au départ. Ou que Griffith pensait qu'à partir du moment où le film serait mis en route, plus personne ne pourrait l'arrêter. D'ailleurs, il avait choisi de commencer par les scènes de bataille, qui étaient les scènes à la fois les plus chères, mais en même temps les scènes qui permettaient d'aller voir des banquiers en leur montrant les plans tournés. Et autant on montrait deux personnes en train de se regarder dans une pièce, ne pouvait peut-être pas convaincre des banquiers. En revanche, quand ils voyaient les stupéfiantes scènes de la guerre de sécession, les banquiers avaient envie en fait d'en voir plus et donc de donner plus d'argent. « selon... Alors, les chiffres ne sont jamais toujours très, très, très clairs, mais les chiffres de recettes du film aux États-Unis sont établis entre 48 et 50 millions de dollars. Donc, c'est une part d'investissement considérable. Et on sait que Louis B. Mayer, donc le futur patron de la MGM, qui avait pris les droits du film uniquement pour la Nouvelle-Angleterre, a gagné $1 million, ce qui lui a permis de fonder sa propre société. C'est un film qui a rapporté à tout le monde. Il a rapporté à Griffith $1 million à lui-même. C'était un événement cinématographique absolument spectaculaire. Il y a quand même eu 825 000 personnes pour le voir à New York. Les gens découvraient un style de cinéma auquel ils n'étaient pas du tout habitués. Et puis c'est vrai qu'en même temps, les thèmes abordés, c'est-à-dire un film ancré dans la réalité historique américaine, le fait que la plupart des gens qui avaient vécu la guerre de sécession, quand ils étaient enfants ou adolescents, vivaient encore. Donc ont vu un film qui retraçait une période qu'ils avaient connue. La guerre de sécession n'était éloignée que d'un demi-siècle, pas beaucoup plus. Donc ça concernait, c'est un film qui concernait l'Amérique. Pierre Sorlin, historien. Comme beaucoup d'Américains à l'époque, ils pensent qu'il y a eu une injustice commise à l'égard du Sud et qu'il faut réparer cette injustice. Il faut montrer, d'une part, déjà, toute la légende du Vieux Sud est très active, parce que le Vieux Sud, alors là, ça remonte très loin, ça remonte au début du 19e siècle. Un monde semi-agricole, de grandes propriétés, où on vivait à l'aise, où on vivait en famille. Et l'importance de la famille est très grande pour Griffith. On vivait en famille et loin des villes, loin de l'agitation, loin de l'industrie. Il y a donc ce monde qu'il voudrait faire revivre, qu'il voudrait recréer. Et puis, en même temps, c'est un excellent commerçant, il se rend bien compte qu'il y a une place à prendre. La guerre de sécession a déjà un peu figuré au théâtre, pas mal au cinéma. Il y a eu plusieurs petits films qui ont été faits sur ce thème. Mais toutes les fois, on n'a jamais pu prendre qu'un tout petit épisode. Dans des films de 10, de 20 minutes, on ne peut pas aller très loin. Il a parfaitement compris que ça pouvait être le thème d'une véritable épopée. Renverser en quelque sorte ce qui se faisait jusque-là, faire passer l'accent de l'indépendance à la guerre de sécession, c'est extrêmement audacieux, parce qu'il a en quelque sorte recréé une certaine tradition. La guerre de sécession est devenue le véritable moment des origines. Griffith a réussi là à créer ce qu'on appellerait aujourd'hui une dynamique. Oui, c'est là, il joue sur un montage. Patrick Brion. Alterné, enfin, disons, une espèce de système de chant contre chant parfaitement élaboré, où on a d'une part les sudistes, de l'autre côté les nordistes, donc il y a déjà les deux aspects, et à l'intérieur de ce double schéma, il passe presque de gros plans, de plans serrés, à des plans généraux. Pas oublier qu'à l'époque, il y avait tout de même des problèmes d'objectifs. Il n'y avait pas de système de zoom qui permettait brusquement de se focaliser sur un point précis de l'image. Il fallait utiliser le montage. Et c'est ce qui, en plus, renforçait la puissance du film. D'ailleurs, tout ce que Griffith avait mis au point dans ses moyens-métrages ou dans ses courts-métrages, c'est-à-dire jouer sur la différence de plan, jouer sur les gens qui sont au fond et les gens qui sont au premier plan, comme par exemple dans Mousquetaires of Pigalle, son système de couper avant qu'une scène ne se termine. C'est quelque chose de très très fort, alors que souvent dans le cinéma muet, les choses étaient un petit peu longues. Griffith aimait, on le voit dans beaucoup de courts-métrages, il coupait avant même la fin de la scène, laissant le spectateur sur un grand moment d'intensité, et pas du tout sur un moment de lassitude. Et tout ça, qui était en fait diffus dans son œuvre des courts-métrages, est ramassé dans Naissance d'une Nation, qui joue sur absolument la totalité des possibilités de photographie et de montage de l'époque. Come on, Captain! Stop, Miss Thursday! Oh. Well, I beat you. You shouldn't have raced ahead that way, Miss Thursday. Why not? Well, this is Indian country, and I'm responsible for you. Oh, I'm not afraid. Oh, look, Captain, down there. Smoke. Is it an Indian signal? No, not a signal. Oh. Come on, let's get out of here. We've got to get back to the fort. Demain, suite et fin de notre semaine, nous serons en compagnie du réalisateur du prochain documentaire d'Histoire vivante. Extrait de John Ford, l'homme qui inventa l'Amérique, de Jean-Christophe Klotz. Monument de vallée, cœur de l'Ouest américain et terre sacrée du peuple Navajo. Plonger son regard dans cette vallée d'une beauté absolue, c'est plonger dans la légende, celle de la conquête de l'Ouest, celle de l'Amérique. La légende, parce qu'en réalité, Monument de vallée n'a rien à voir avec l'histoire de la conquête de l'Ouest. Aucun convoi de pionniers ne s'est jamais aventuré jusqu'à cette vallée perdue, aux confins de l'Utah et de l'Arizona. Si ces paysages évoquent instantanément le Far West, c'est parce qu'un jour, un homme en est tombé amoureux. Cet homme était réalisateur de cinéma, l'un des plus grands. Il s'appelait John Ford. La chevauchée fantastique, la poursuite infernale, le massacre de Fort Apache, la prisonnière du désert. À l'évocation de ces titres, les images défilent. Le cinéma de notre enfance, l'enfance du cinéma. En inventant le western et ses héros incarnés par d'immenses stars comme Henry Fonda, James Stewart ou John Wayne, John Ford a livré sa propre vision de la naissance de l'Amérique. Une vision sublimée par le cinéma et qui a fini par conquérir les imaginaires. Une légende créée par Ford et qui est devenue une image si réelle de l'Amérique qu'on en oublie qu'il s'agissait de fiction et qu'il y avait un homme derrière la caméra. Le cinéma de Ford est celui d'une promesse. Celle d'un pays enfin réconcilié avec lui-même, où chacun pourrait trouver sa place, quelle que soit son histoire. Aujourd'hui, alors que le pays est plus déchiré que jamais, direction l'Ouest à la découverte du cinéma et de l'Amérique de John Ford. Pas ce que vous cherchez chez moi, mais vous ne le trouverez pas ici. Alors suivez mon conseil et partez immédiatement. C'est peut-être pas très accueillante, mais je fais ce que je veux. Et je ne reçois jamais les inconnus. Alors je vous en prie, n'insistez pas et allez-vous-en, c'est tout ce qu'on vous demande. Clémentine et Witt. C'est vraiment charmant, Clémentine. Laissez-moi faire, je m'en occupe. C'est ce qu'il faut faire avec ce genre de type. Cette semaine est réalisée par Christian Morero. Assez, ça suffit. Je t'ai dit, ça suffit. Une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté, dans lequel vous retrouverez demain d'autres développements du sujet. Hollywood a imposé une image faussée de l'Indien d'Amérique. Guerrier valeureux mais insoumis, il est souvent cantonné au rôle d'éclaireur pour la cavalerie. L'Amérindien a pourtant contribué à la naissance de l'Amérique, participant à tous les conflits des États-Unis jusqu'à aujourd'hui. L'Indien, ce vaillant soldat américain, un dossier à découvrir ce vendredi dans La Liberté. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Avec aujourd'hui la participation de Christian Morero, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Vous écoutez La Première, il est 14h.